J'aime voir les enfants appuyés sur le rebord des fenêtres, chaque soir à surveiller les mouvements des comètes, les épines sur le plancher, le bruit des pas sur la neige, tout ce qui viendra me ramener mes souvenirs pris au piège, comme un tour de magie. Même les grands redeviennent petits. Faites que jamais rien ne s'enlève, que jamais rien ne s'envole, comme un souvenir éternel. La vie est en suspens, dans l'immensité du temps. Nos cœurs apprennent à aimer, en attendant Noël. Mettons de côté nos peines, nos cœurs apprennent à aimer. En attendant Noël, mettons de côté nos peines, nos cœurs apprennent à aimer. J'aime deviner derrière les portes du calendrier de l'Avent, les pulls moches que l'on porte, l'odeur du vin chaud et le vent. Une grande tape pour la famille, tout le monde sera là, dans nos têtes ou dans nos bras. Les magasins changent de vitrine, les rues nos yeux s'illuminent, à peine passé minuit, à peine passé minuit. Que les grands redeviennent petits. Que jamais